Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Et ça se passe sur Radio Clapas 93.5 sur le Grand Montpellier. Alors, les amis du Grain des Mots se sont intéressés ces derniers temps, vous l'aviez peut-être remarqué, vous avez peut-être assisté à des lectures, à la littérature haïtienne. Alors pourquoi tout d'un coup cet intérêt pour la littérature haïtienne? Peut-être la sortie, la publication l'année dernière d'une anthologie de la poésie haïtienne contemporaine sous l'égide de James Noël. La rentrée, on a d'ailleurs vu le premier roman de James Noël paraître. On a aussi une rencontre avec Mackenzie Orcel. Et une rencontre précédente avec Lionel Trouillot. Et il y avait eu précédemment une rencontre avec Lionel Trouillot à la librairie des Grains des Mots. Il y a eu Mackenzie Orcel qui est venue. Oui, parce qu'il se passe quelque chose autour d'Haïti. Alors nous, nous y sommes venus petit à petit grâce au festival de jazz de Junas qui travaillait sur les musiques des Caraïbes. Voilà. Sur le jazz des Caraïbes. Voilà. Et puis dans ce cadre-là, les amis du Grain des Mots sont allés faire quelques lectures caraïbéennes. Et puis de là, Haïti, ça fait partie des Caraïbes. Et puis de là, la découverte assez éblouie, si je puis dire, étonnée de la richesse de cette littérature. Alors, nous avons pu rencontrer, il y a quelque temps, le doyen actuel de la littérature haïtienne, en âge, mais pas qu'en âge, et qui nous dit effectivement tout l'intérêt de cette littérature. Il y a, depuis le début du XXe siècle, surtout à partir des années 20, il y a eu une renaissance de la création littéraire en Haïti, et depuis on n'a pas arrêté. Malgré tous les malheurs, les obstacles, les difficultés, Haïti existe surtout par sa littérature, par sa production. Oui. Aussi bien en art, pas seulement en littérature, en art aussi. Voilà, on a révolutionné la peinture. La peinture, dans la région. Lionel Trouillot fait allusion à la peinture assez souvent dans ses... Malgré le nombre d'écrivains et d'artistes qu'on peut remarquer en Haïti, c'est qu'il y a une grande diversité. Oui. Nos œuvres ne se ressemblent pas, ne se recoupent pas entre elles. Chaque écrivain haïtien est un individu qui exprime un monde bien à lui. Et ça, depuis la fin du 20e siècle. Thank you. Eh bien, c'était le bien nommé, puisque effectivement, René de Pestre va nous parler de son parcours d'homme et d'écrivain. C'est le trio donc de Tristan Bellia, avec donc Michel Altier à la contrebasse, Samuel Sylvan à la batterie, et le titre qui s'impose, Piano des souvenirs. Voilà, alors nous allons retrouver René de Pestre, alors doyen de la littérature haïtienne. 90 ans, hein, au moment où nous l'avons rencontré, il doit en avoir 91 depuis. Ça se passait au printemps dernier à Lézignan-Corbière, oui. Où il demeure. Il nous a accueillis avec une grande générosité. Avec beaucoup de générosité, beaucoup de disponibilité, et il était intarissable. Nous, il y a plus de 2 heures d'entretien, nous sommes repartis avec plus de 2 heures d'entretien de cet homme âgé et fatigué, mais toujours vert, si je puis dire. Ô combien, hein, nous étions à son domicile qui s'appelle, et ce n'est pas anodin, Villa Adriana. Adriana. Pour ceux qui connaissent Adriana, voilà. C'est Adriana de tous mes rêves, je crois, le titre complet, hein, qui est un des ouvrages célèbres de René de Pestre, qui a énormément publié poésie, romans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, à propos d'Adriana, juste un détail, nous le tenons de René de Pestre. Il nous a dit, il l'a déjà dit dans un entretien préalable, mais il nous l'a redit, que Adriana, en Haïti, c'est devenu un personnage réel. Adriana a quitté la sphère de la fiction pour devenir un personnage populaire. C'est assez extraordinaire, ça. Un petit peu comme Sherlock Holmes avec Conan Doyle. Absolument, Adriana. C'est quand même des phénomènes pas de tous les jours dans la littérature. Alors, eh bien, écoutez cet entretien précieux. Dans une première partie, là, il va nous parler de ses débuts en littérature, de sa première publication. C'est pas rien. Je ne sais pas. Si on peut parler d'œuvre à mon sujet, je n'ai pas le sentiment d'avoir construit une œuvre. J'écris, d'abord j'ai commencé par être un poète, très précoce, parce que dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, alors que j'étais au lycée. Mais c'était des poèmes, disons, académiques. Je suivais la prosodie traditionnelle française, parce que j'avais été très impressionné naturellement par Victor Hugo, comme tout écrivain haïtien, par Victor Hugo. Et j'avais beaucoup aimé particulièrement Alfred de Musset. Alfred de Musset. Parce qu'il y a une grâce, une légèreté, une élégance. Une élégance, des choses qui lui sont propres, n'est-ce pas, qui m'avait influencé. Donc j'ai rimé. Des poèmes de... Et là, vous dites 15-16 ans. J'avais 16 ans. 16 ans. Comme disciple d'Alfred de Musset, je me présentais comme ça. Et puis, à 18 ans, j'ai découvert Rimbaud, j'ai découvert Lautréamont, j'ai découvert Baudelaire, naturellement, Verlaine, les grands poètes de la fin du 19e siècle, après Victor Hugo. Vous étiez sur le chemin du surréalisme qui viendra un peu plus tard. Alors j'ai abandonné la poésie traditionnelle. Voilà. J'ai découvert le surréalisme. Voilà. La grande chose que ma génération a eue, c'est que nous avons eu la visite d'Aimé Césaire en Haïti en 1944. C'était pas seulement un passage de Césaire en Haïti, il est resté 7 mois. Pendant 7 mois, il a tenu un séminaire. Moi, j'étais en première au lycée, donc normalement, je ne devrais pas être là parce que c'était à l'université. Mais j'étais déjà tellement curieux de la littérature en général que j'ai fréquenté son séminaire et j'ai découvert le surréalisme. Il nous a révélé, et il nous a révélé Rimbaud, Lautréamont, et l'esprit de révolte. L'esprit de révolte en littérature. Et je dis souvent que, heureusement, parce que ma révolte a précédé en moi l'idée de révolution. Parce que plus tard, j'ai été vers le communisme, donc j'ai été vers la révolution, mais ça a été précédé par des sentiments de révolte. C'est-à-dire que ça transcendait les problèmes politiques. Vous comprenez, ma révolte était plutôt une révolte existentielle, oui, une révolte de fond, comme de fond. Chez Baudelaire ou chez Rimbaud. Oui. Je mettais en question les valeurs de la vie en société, et donc ça m'a permis de rompre avec l'académisme de mes premières années et d'essayer de faire une poésie originale. Et suivi tout de suite après Césaire, par le passage d'André Breton en Haïti. Voilà. Oui. Donc le principal poète du surréalisme est venu en Haïti et on m'a présenté à lui. Je venais de publier ma première plaquette de poèmes, Étincelle. Une plaquette sans grande ambition. Elle était auto-éditée, non vous aviez... à compte d'auteur. À compte d'auteur, voilà. J'ai eu tout le mal du monde à l'éditer parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition à proprement parler à l'époque en Haïti. Mais dites-moi, est-ce que c'est à cette occasion, oui. Je me trompe peut-être, vous me corrigerez bien sûr, oui. Vous aviez demandé à votre imprimeur une couverture façon Gallimard. Bon, alors j'ai eu tout le mal du monde à l'éditer et il n'y avait qu'une seule, il n'y avait pas de maison d'édition, il y avait des imprimeries. D'accord. Et donc il y avait une imprimerie importante qui s'appelait Imprimerie de l'État qui imprimait les textes officiels de l'État, oui. Le moniteur, les ouvrages, des travaux de ville, n'est-ce pas? Et je portais encore des culottes courtes. Je me suis présenté chez cet imprimeur. Cet imprimeur, oui. Et on n'a pas voulu me recevoir, étant donné l'allure que j'avais, un gamin qui voulait voir le directeur. J'ai insisté, j'ai dit que je tenais à rencontrer le directeur de l'imprimerie. Et il m'a reçu par curiosité. Et j'avais mon manuscrit en main. Je lui ai dit de bien vouloir jeter un coup d'œil sur ces notes, ces choses que ça pouvait l'intéresser. Oui, et c'était un monsieur très important, un mulâtre élégant, un monsieur, il fait ben, un énorme un peu impressionnant, cigare, impressionnant avec sa secrétaire dans son bureau. Et il a lu, et j'ai vu qu'il a changé de physionomie à mesure qu'il lisait. Et il passait les textes à sa secrétaire qui avait l'air d'une fille cultivée. Et la fille me regardait avec curiosité aussi. Comme si c'était un phénomène. Et puis il m'a dit que c'est dommage, jeune homme, et vous avez des accents qui me paraissent originaux, mais nous n'éditons pas des écrivains ni des poètes, nous sommes une imprimerie officielle. En plus, oui. Nous n'éditons pas. Étant donné la teneur de vos textes, l'imprimerie officielle, ça devait un peu... Oui. Un peu les chagriner, ça, non? Oui. Alors, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, je vous en prie, j'aimerais très bien éditer le livre. Il me dit, écoutez, apportez-moi, je vais vous éditer à compte d'auteur, apportez-moi $200 pour un jeune haïtien en 1945, $200. C'était une fortune. C'est une fortune. Je dis, mais où vais-je trouver les $200? Dans ma famille, je n'ai jamais vu réunir $200. Ma mère était une couturière sa vie, n'est-ce pas? Et ne faisait pas $200 par mois, ni en deux mois. Nous étions pauvres, n'est-ce pas? Alors il me dit, mais vous avez l'air déterminé. Faites une souscription. C'est la première fois que j'entendais le mot souscription. Qu'est-ce que c'est une souscription? Je lui ai demandé. Il me dit, mais vous allez en ville, chez des gens, des commerçants, des avocats, des médecins, et vous leur demandez d'acheter un ouvrage. Un exemplaire. N'est-ce pas? Bon, et vous réunissez les $200, n'est-ce pas? J'ai dit, bon, je vais le faire. N'est-ce pas? Il me dit, sous quelle forme vous voulez l'éditer? Je lui dis, vous savez, j'ai un faible pour un grand éditeur français. On était en pleine guerre mondiale, c'était encore début 45, n'est-ce pas? Je lui dis, c'est l'éditeur Gallimard. J'ai lu chez Gallimard, n'est-ce pas? Claudel, Saint-Exupéry, Proust, beaucoup d'auteurs importants. J'aimerais que ma couverture ressemble presque comme une copie de l'édition Gallimard. Ce qu'il a fait, qu'aujourd'hui on peut avoir un doute, c'est exactement la couverture Gallimard qui a paru. J'ai raconté ça à Claude Gallimard et à Antoine Gallimard, n'est-ce pas? Ça les a amusés beaucoup parce que j'étais très impressionné par la plupart des auteurs. Roger Martin Dugard, qui avait écrit Les Thibauts. Les Thibauts. Un livre qui m'avait plu beaucoup. Il y avait des couvertures. Oh, oui, quelques volumes des Thibauts. Et puis, oui, André Malraux. André Malraux, qui m'avait beaucoup impressionné. Malraux, c'était la condition humaine. La condition humaine, l'espoir, etc. D'accord. N'est-ce pas ? Donc, tous ces grands auteurs français m'avaient littéralement fasciné. Mais dites-moi, oui. je me permets de vous interrompre, mais oui. On dit bien que vous aviez 17 ans. J'avais 18 ans. 18 ans. Et vous aviez, à 18 ans, oui. déjà lu tous ces auteurs. Ah oui, oui. Oh, ça n'est pas anodin. C'est pas anodin. J'avais une rage. Une rage de lire. De lire. Comme une rage de vivre aussi, la révolte. C'était la même chose. C'était la même chose. Lire et vivre, c'était la même chose. J'avais lu les classiques. Oui. Avec les livres qui nous tombaient sous la main, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas de bibliothèque. Voilà. Et je lisais au hasard des rencontres avec des intellectuels haïtiens qui me prêtaient des livres. Donc j'avais du Chateaubriand, Flaubert qui m'avait plu, Victor Hugo, Rousseau, enfin Voltaire naturellement. Tous les grands classiques français, je les avais lus attentivement. Et puis après la découverte de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, de Lautréamont, sans oublier Zola. Et Lautréamont, c'est très important parce que pour moi. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, et puis, on peut comprendre que c'était plus ou moins accessible. Mais Lautréamont, c'était très important. Bien sûr. S'il mettait en question tout. Et quand on était un Haïtien, avec le spectacle dramatique qu'on avait sous les yeux, tomber sur un auteur révolté comme Lautréamont, c'était une chance exceptionnelle. Donc, pour revenir à l'édition de mon premier livre, je suis sorti dans la rue, il faisait très chaud, comme il est toujours en Haïti, n'est-ce pas ? Malgré cela, j'étais chez tout le monde en lisant mes poèmes, personne n'a dit non. J'ai vu des avocats, j'ai vu des médecins, j'ai beaucoup de commerçants, des gens même ont acheté cinq livres. Vous avez démarché, comment ? J'ai démarché, mais très, très décidément, avec beaucoup de ferveur. Et j'ai réuni en moins de 15 jours $250, n'est-ce pas ? Et quand je suis arrivé, j'ai dit, l'imprimeur m'a vu, m'a dit, alors j'ai dit, $250. Il me dit, vous irez loin, jeune homme. Thank you. Eh bien, c'était Fast Life, un titre extrait de l'album de Yaron Herman, Every Day. Fast Life, ma foi, tout compte fait, j'ai le sentiment que ça caractérise assez bien la vie de René de Pestre. René de Pestre, intense. Oui, et puis qui se disait, qui revendique, et vous allez l'entendre là, hautement, de ne pas être seulement un écrivain, mais peut-être d'être aussi, peut-être même d'abord, un homme d'action. Ce qui faisait mon originalité, c'est que moi j'avais une conception double de la vie en société. Je voulais être à la fois un poète, un narrateur, mais un homme d'action. J'étais un homme d'action. Je ne concevais pas la vie dans l'immobilité, un homme de cabinet qui écrit des livres, qui lit seulement. Je voulais changer le monde haïtien, changer la vie. Et c'est ainsi qu'avec l'argent que m'a rapporté, j'ai fait 2 éditions de ce livre. J'ai fait 2 livres tout de suite. Après Étincelle, j'ai fait Gerbe de sang. Et les 2 livres ont été bien accueillis. J'étais célèbre, entre guillemets, en Haïti, dès l'âge de 19 ans. J'étais reconnu comme un jeune poète plein de promesses et tout. Mais je ne me suis pas contenté de cela. J'ai rassemblé des jeunes que je fréquentais en Haïti et j'ai fondé un journal. La Ruche. La Ruche, oui. J'ai fondé un petit journal, un hebdo, n'est-ce pas, qui tranchait sur la presse haïtienne en général, qui était bien écrit, qui était soigné, et sérieux, plein de rigueur, n'est-ce pas. Et j'ai descendu en flamme le système. Oui, j'allais dire, hein. Quand on le lit, c'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était vigoureux. C'était vigoureux. Ouais, voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune haïtien aussi qui faisait ses débuts, qui s'appelait Jacques-Stéphane Alexis, oui. Qui était un garçon d'énorme talent, qui était médecin, et qui lisait beaucoup aussi. Donc on échangeait nos lectures, n'est-ce pas. Et il y avait un autre, un jeune français d'origine guadeloupéenne qui était en Haïti, qui s'appelait Gérald Blancourt, oui. Qui était un bon peintre, n'est-ce pas, qui faisait des aquarelles remarquables. Donc nous avons constitué un petit groupe et notre journal a été un événement dès le premier numéro. Et Breton est arrivé au deuxième numéro et nous l'avons consacré à Breton. Avec ce que Césaire nous avait appris du surréalisme, on a pu rendre un hommage éclatant à Breton, ce qui lui a plu, parce que Breton a tout remué en Haïti. Ça a été peut-être l'un des plus grands événements de la vie littéraire d'Haïti, la présence d'un homme comme Breton, qui a tout de suite compris Haïti, qui s'est intéressé au vaudou, qui s'est intéressé à notre vie. C'était une chance exceptionnelle, juste à la fin de la guerre, pour ma génération, de faire des rencontres comme celle de Césaire, de Mabille, de Breton, et puis précédé par Aléo Carpentier, qui était un immense auteur cubain, qui est venu, qui a fait une conférence remarquable dans une salle de cinéma à Port-au-Prince, n'est-ce pas, où il nous a révélé le réel merveilleux américain. Il a fait un voyage dans le nord d'Haïti, il en est revenu complètement bouleversé, parce qu'il a découvert qu'il y avait un sentiment qui était particulier aux Haïtiens, qu'il a appelé le réel merveilleux américain. Ça ne pouvait que convenir à André Breton, ça. Oui, naturellement. Carpentier avait connu André Breton Paris durant ses années durant son séjour dans les années 30, où il avait fréquenté Robert Desnos, Éluard, tout le personnel surréaliste des années 30, n'est-ce pas. Donc pour nous, être parrainé par Nicolas Guillen, André Breton, Aléo Carpentier, Pierre Mabille et Aimé Césaire, last but not least, c'était extraordinaire. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc ça m'a renforcé. Et je ne me suis pas mis à imiter ni Breton, ni Césaire, ni personne. J'ai suivi mon propre chemin, ma propre voie, n'est-ce pas? Et effectivement, aussitôt la guerre terminée, et Mabille et Breton m'ont fait venir à Paris, n'est-ce pas, et j'ai eu une double bourse, une bourse du ministère de l'Éducation nationale et une bourse du Quai d'Orsay. C'est rare que le Quai d'Orsay donne une bourse, n'est-ce pas. Mais il y avait Henri Laugier, qui était un personnage considérable au Quai d'Orsay, qui était venu en Haïti aussi, qui a lu mes poèmes. Logier m'a dit, le Quai d'Orsay va vous prendre en main aussi. Donc, c'est un privilège énorme. Tout à fait. À 20 ans, d'arriver à Paris, c'était avec ma soif de lecture, inespéré, avec mes idées, mon rêve d'action, n'est-ce pas? Mais si. Ah oui, parce que j'étais déjà en colère au moment où on faisait la ruche. Voilà. J'appartenais à une génération en colère. Nous étions déjà des gens en colère. Mais notre mouvement a échoué, notre mouvement politique, on a une grève générale, mais les militaires ont pris le pouvoir, ils nous ont écartés, donc nous étions déçus, désenchantés. Donc Gerbe de Saint exprime dans la colère ce premier désenchantement de ma vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'échec d'une tentative de... Insurrectionnelle. Proprement insurrectionnelle, parce que nous étions dans la rue. Là, nous, on fabriquait des cocktails Molotov, on a lutté avec la police pendant des jours et des jours. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Moi, j'ai échappé à la mort par miracle. J'étais à la tête de... J'haranguais des milliers de personnes. Il m'est arrivé de m'adresser en public à 40 000 personnes et de soutenir un meeting. Donc, j'étais à la fois un homme d'action, un homme politique, mais différent du personnel politique traditionnel. Nous étions absolument nouveaux dans l'imaginaire haïtien. C'était extraordinaire. Et puis je débarque à Paris. Oui. Et Césaire vient m'attendre à la gare Saint-Lazare. Et quelques jours après, il me conduit au Parti communiste. Il me dit, il faut que tu adhères, parce que Césaire a été élu sur une liste communiste à la Martinique. Oui. Donc il a dit, il faut que tu ailles au Parti. Et il m'a conduit au Parti. Il m'a présenté à Maurice Thorez, à Jacques Duclos, aux principaux dirigeants communistes de l'époque. Donc je suis rentré au Parti par le haut, comme je disais. Mais après, comme j'étais à la cité universitaire, où j'habitais dans un pavillon, boulevard Jourdan, au pavillon de Cuba, c'est ce qui explique ma rencontre avec Cuba, oui. Après aller au Carpentier, n'est-ce pas? Donc je me voici inscrit au Parti communiste français. Et moi, comme j'étais un homme d'action, ça me convenait. Je suis tout de suite devenu un leader étudiant, n'est-ce pas? Je savais parler, j'ai tout de suite compris ce qu'était l'anticolonialisme de l'après-guerre, n'est-ce pas? Donc j'ai pris fait et cause pour les Marocains, pour les Tunisiens, pour le Maghreb, pour le Vietnam, Madagascar, tout de suite. Et naturellement, ça a attiré l'attention de la police française. J'étais convoqué une première fois, et cela après 2-3 ans d'activité, j'étais convoqué une première fois à la préfecture, au département de l'éloignement du territoire, n'est-ce pas? Et on m'a prévenu que je n'étais pas français, que je me livrais à des activités que seuls des Français pouvaient avoir en France, puisque j'arrange des gens au quartier latin, je dirige une association d'étudiants anticolonialistes aux côtés de Jacques Vergès, qui faisait aussi ses débuts à l'époque, Henri Bangou et d'autres jeunes qui se distinguaient à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai été expulsé. J'ai eu une première... Mais après 4 ans, 4 et demi d'études, entre-temps j'avais fait Sciences Po. Voilà, c'est comme ça, j'étais un homme d'action, voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait avoir une formation politique. Politique, oui. Donc oui, j'étais à Sciences Po, que j'ai fait avec beaucoup de ferveur et d'attention, parce que je ne me contentais pas du programme qui était enseigné à Sciences Po. J'allais pas moi-même chercher des connaissances dans l'Antiquité, depuis les pharaons, depuis l'Égypte ancienne. J'ai tout lu parce que je lisais beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas? Et j'ai fait l'école du Louvre parce que je pensais qu'un homme d'action doit avoir une formation artistique. Donc je me suis intéressé à l'histoire de l'art. Chacun de nous aimerait bien qu'il en soit autant aujourd'hui, voyez-vous. Oui, oui, j'ai découvert Picasso naturellement, n'est-ce pas? Je fréquentais Michel Léris, qui était un proche de Picasso, oui. N'est-ce pas, qui me fait révéler, m'a présenté à Fernand Léger, à beaucoup de grands peintres de l'époque. J'ai connu intimement Éluard, qui m'a pris en sympathie, Tristan Tzara. Je faisais des promenades dans Paris avec Tristan Tzara et on bavardait de tout. J'ai appris l'histoire du surréalisme tout en marchant dans Paris en fin de semaine. Vous avez emprunté les passages parisiens. C'est formidable. Obligatoirement. N'est-ce pas? Et puis j'ai connu Camus. De notre côté, j'étais pas sectaire, heureusement. J'étais pas sectaire parce que je me disais qu'il fallait, avoir, c'est un conseil de ma mère, qu'il fallait avoir dans la vie plusieurs, outre deux, même plusieurs fers au feu. Plusieurs fers au feu. Il fallait avoir plusieurs fers au feu. Donc je me suis dit, il y a le fer communiste que j'avais bien au feu. J'étais un communiste très actif, qui a attiré l'attention même de la direction du parti. Et si je serais devenu un dirigeant communiste, si les choses avaient marché sans obstacle, n'est-ce pas, français. Mais je fréquentais Camus, parce que comme je lisais Camus, j'avais lu L'étranger, La peste et autres, le théâtre de Camus. Il avait déjà écrit L'homme révolté. Oui, hein? Et puis il avait écrit surtout comment ça s'appelle, L'étranger. L'étranger, qui oui. est un chef-d'œuvre. J'ai lu Sartre. Et j'ai connu Sartre, Camus en même temps. Donc j'ai connu tout le personnel intellectuel, l'intelligentsia de Paris. J'ai connu Claude Roy, qui m'a pris en très grande sympathie. Claude Roy. Parce que Claude Roy était le plus grand lecteur que j'ai jamais connu dans ma vie, n'est-ce pas? Sa maison il avait peut-être 30 000 livres. Chez lui, vous comprenez comment vous... Il me présentait les livres, je découvrais tout le monde entier, n'est-ce pas? La littérature anglaise, la littérature allemande, la littérature russe, c'est autrichienne, très importante, avec un livre comme La mort de Virgile, de Hermann Brock. C'est un chef-d'œuvre. Hermann Brock. Un grand livre. Carpentier me disait tout à fait, c'est ça qu'il faut lire. Il faut lire, Brock. Et l'autrichien, ouais. N'est-ce pas? Donc, avant 25 ans, j'avais fait un tour d'horizon général qui faisait de moi un garçon cultivé, si on veut, tout en étant un homme d'action. Et puis, sur le coup, on m'expulse de France. Que faire? Où aller? Alors, Eliva connaissait l'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Paris, qui est un grand peintre qui s'appelait Adolf Hofmeister, qui est très connu en Tchécoslovaquie. Hofmeister m'a fait avoir un visa. Un droit d'asile en Tchécoslovaquie. Je venais d'épouser une jeune juive d'origine hongroise qui s'appelait Edith Gombosch, n'est-ce pas? On est partis ensemble pour la Tchécoslovaquie. Et j'avais déjà des connaissances solides du marxisme. On ne me racontait pas d'histoire. Et je découvre un hiatus dramatique entre mes connaissances la théorie. Du marxisme, la théorie, et ce que j'avais sous les yeux. C'était un désastre. On appelait ça démocratie populaire, c'est un régime policier, c'est un régime totalitaire, il y avait des métastases totalitaires de partout, n'est-ce pas? Et ma femme et moi, on s'est mis à critiquer ouvertement dans le milieu étudiant. J'étais inscrit à l'université de Prague, je voulais faire un doctorat de sciences politiques en Tchécoslovaquie, en tchèque. Nous avons appris rapidement le tchèque, une langue très difficile d'ailleurs. Mais ma femme était très douée pour les langues, ça m'a aidé beaucoup. Elle parlait 8 langues à 20 ans. Elle parlait l'allemand, l'hébreu, le yiddish, l'espagnol, l'italien, enfin, toutes les langues. Quoi. Elle parlait sauf l'arabe, peut-être le chinois, n'est-ce pas? Mais on a attiré l'attention de la police tchèque. Ah ben oui. Et on nous a expulsés de Tchécoslovaquie. Nous sommes parmi les rares personnes à l'époque de la guerre froide à avoir été expulsés à la fois de l'Occident et des pays du rideau de fer, n'est-ce pas? J'ai été expulsé des deux côtés du rideau de fer. Alors où aller? C'est la question que ma femme et moi on se posait en Tchécoslovaquie, parce qu'on nous a donné très peu de temps pour quitter Prague, n'est-ce pas? Et heureusement, à l'époque, j'étais le secrétaire de Jorge Amado, le grand écrivain brésilien. Et pendant que j'étais avec Amado au château d'Objiche, on nous avait donné un logement, ma femme et moi, Pablo Neruda est venu passer quelques jours à Prague. Et Pablo Neruda nous a accueillis avec ferveur. Je suis devenu très proche de Neruda. Neruda m'a présenté à Ilya Ehrenbourg, qui était un très grand écrivain russe, qui a été le premier à écrire un livre qui s'appelle le Dégel. Qui avait soutenu Mandelstam. Le premier écrivain à prendre des positions contre le stalinisme en Russie. Et nous avons eu une conversation décisive pour moi dans la bibliothèque du château. Un soir, on a passé toute la nuit, et Rimbaud nous a parlé des réalités de l'Union soviétique. Et c'est comme ça qu'il nous a mis. Nous étions horrifiés parce qu'on apprenait au courant du goulag, des phénomènes staliniens qui était une trahison de la Révolution d'octobre. N'est-ce pas? Donc, pour moi, ça a été une expérience douloureuse, dramatique, décisive, de savoir que la Révolution d'octobre avait échoué, finalement. Puis, écoutez ça dans la bouche même de Rimbaud. Rimbaud est un juif, mais il était protégé par Staline, oui. Parce que pendant la guerre, il était le correspondant de la Pravda sur le front. Et il écrivait des articles remarquables sur l'armée soviétique. Et Staline l'appelait au téléphone la nuit pour lui dire qu'à lui seul, il valait une division soviétique. À lui seul, il était une division soviétique. Et qu'il fallait continuer à écrire ses articles. Donc il était protégé par Staline lui-même. Et de la bouche de cet homme qui était un proche de Staline, n'est-ce pas, on apprenait que la Révolution d'octobre avait échoué, n'est-ce pas? Oui. Pour un jeune homme de mon âge et pour ma femme, c'était une catastrophe. Mais on n'a pas voulu rompre. Mais c'était parce que, en quelle année, ça, non? Ça, c'était en 1951. Thank you. Eh bien, un autre solo de piano, puisque c'est un petit peu le parti que nous avons pris pour illustrer musicalement cet entretien avec René Depestre, une voix, un solo. J'ai peut-être tort de dire un solo, parce qu'en fait, vous venez d'entendre Telegram, issu d'un album qui est joué par deux grands pianistes, à savoir François Rollin et Stéphane Oliva, Telegram, dans un album qui s'intitule bien évidemment Correspondance. Voilà, et vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 avec les Amis du Grain des Mots, et nous allons retrouver René Depestre pour la suite de cet entretien. Je ne dirai pas la fin, parce que nous avons dans notre besace assez de matériel pour faire une deuxième émission d'entretien, d'extrait d'entretien avec René Depestre. Là, il va nous parler un petit peu de son engagement politique, de ses illusions, de ses désillusions, de la place de la littérature, si je puis dire, dans la politique, jusqu'à en arriver à la question de ce qu'il appelle la mondialité. Parti du parti. J'ai suivi Neruda au Chili. Oui. J'étais secrétaire de Neruda au Chili pendant 7 mois, 1953, tout le début de l'année 53. Neruda m'a appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai appris l'espagnol. J'ai lu son œuvre qui est remarquable, qui est géniale, tout simplement, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'était une école extraordinaire, celle des écoles extraordinaires, celle pour la langue espagnole, celle de Neruda. Et j'ai fait un séjour de 2 mois à Buenos Aires. J'ai rencontré Jorge Luis Borges, le fameux écrivain. J'ai connu les sœurs Ocampo. Il y avait 2 sœurs, Silvana et Olivia. Olivia. Olivia Ocampo, qui étaient des femmes de grande culture, des femmes richissimes. Oui. Qui avaient des sortes de mécènes. Des mécènes. Oui. Comment ça s'appelle? Virginia avait été la motte de Roger Caillois. Oui, ils avaient fondé la revue Sud. La revue Sud. Voilà, et la revue Sud est devenue une revue considérable. Une référence. Une référence en Amérique du Sud. Mais même en France, c'était le vecteur de l'introduction de la littérature sud-américaine. Sud-américaine en France. Et notamment grâce à Caillois, qui a créé une collection chez Gallimard, n'est-ce pas? Du monde entier. Oui, du monde entier. Donc tout ça pour moi, c'était des acquis considérables. Et je n'avais pas 30 ans encore. Donc, à moins de 30 ans, j'ai découvert tout le personnel littéraire de l'Amérique latine, parce qu'avec Neruda, nous avons organisé en juillet 1953 un grand congrès continental de la culture. Nous avons fait venir à Santiago du Chili tout le personnel intellectuel sud-américain, du Mexique. J'ai connu Octavio Paz, par exemple, et Carlos Fuentes, et de grands poètes, les peintres. J'ai connu Diego Rivera, qui avait fait un portrait de ma femme. Et j'ai connu, comment s'appelle l'autre, Orozco. Orozco. Enfin, tout le personnel. Frida Kahlo. Frida Kahlo, la femme de Diego Rivera. Donc, je suis devenu, de plein pied, un membre de l'intelligentsia sud-américaine. Et vous aviez moins de 30 ans, bien entendu. J'ai appris le portugais, j'ai appris l'italien. Quand je suis passé en Italie, quand on allait à Cuba, je suis revenu en Italie, et j'ai appris le portugais, naturellement. Naturellement. J'ai enseigné même en portugais. Donc, ma femme et moi, on était un couple original qui attirait l'attention, parce que quand ma femme disait qu'elle était docteur de la Sorbonne, elle avait fait un doctorat de littérature comparée, allemande et française. Donc nous baignions dans la culture, nous étions émerveillés. Mais j'avais une seconde vie, parce que je me suis fait appeler, j'ai changé de nom, j'ai pris un pseudonyme, je me suis fait appeler Walter Miranda. Walter Miranda. Pour militer, parce que j'étais doué pour l'action. Et j'étais un sportif, en plus, n'est-ce pas? Et j'étais un coureur de femmes aussi, n'est-ce pas? On y viendra. Ça viendra, n'est-ce pas? Je menais de front plusieurs fers. Là aussi, vous aviez plusieurs fers au feu, absolument. Partout. Je pensais, j'avais lu quelque part chez Nietzsche. Nietzsche avait dit une fois que cette vie, c'est notre vie éternelle. Et je me suis dit dès lors, qu'on n'a pas le droit de manquer une vie éternelle, n'est-ce pas ? Donc il faut la vivre dans toutes les directions. Voyez, c'est ce que j'ai voulu faire, et qui donne à ma vie un côté aventurier que je ne nie pas, n'est-ce pas ? Parce que ça m'a plu d'être comme ça, d'être en danger. La police brésilienne était sur mes traces, on se demandait qui était ce Walter Miranda avec une très jolie femme. Ma femme était très belle. C'était une grande juive, superbe, élégante, sportive, n'est-ce pas, avec toutes ses langues, et ses charmes, n'est-ce pas. Ça attirait l'attention aussi. Et dans des pays racistes, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce noir, pour avoir une femme pareille, n'est-ce pas, sur la plage de Copacabana, quand on allait, ma femme en bikini, on disait qu'elle était un scandale biologique. On disait d'elle qu'elle était un scandale biologique, n'est-ce pas ? Ça nous amusait beaucoup. Donc j'étais un homme heureux, si je peux dire, parce que j'ai eu une vie très pleine. Vous apiécez le scandale, en fait. Oui, un peu. Mais, et puis j'ai senti un jour que le sol boulait sous mes pieds. Amado m'a dit que le parti est au courant, la police brésilienne est sur mes traces. Parce que j'avais pris un entraînement militaire dans les montagnes du Brésil. Le parti avait organisé une école militaire dans les montagnes et j'avais reçu une formation de commando et de guérilla. Donc j'étais capable d'être commando, de débarquer la nuit dans un palais, de faire du grabuge, n'est-ce pas ? Et j'étais guérilla aussi, parce qu'on nous a enseigné les idées de Mao Tse-Tung sur la guérilla, la Yougoslave, le Tito, tout ça. Donc j'avais une formation militaire également, avant même d'aller à Cuba. À Cuba. Une des raisons pour lesquelles je voulais aller à Cuba d'ailleurs, parce que je partageais avant la lettre les thèses de Cuba sur la lutte armée. Je pensais qu'en Amérique du Sud, il fallait la lutte armée. Il fallait même peut-être au Brésil envisager une longue marche à la Mao Tse-Tung. À la Mao Tse-Tung. Parce qu'il y avait de grands espaces. L'espace était favorable à une action de ce genre. Donc j'ai une vie très pleine. J'ai quitté que le Brésil à temps. Quand le sol a comme Walter Miranda, j'ai fait mes adieux. Et on a débarqué de nouveau en France grâce à l'intervention de Léopold Sédar Senghor. Alors, j'allais vous parler de Senghor. Comment l'avez-vous rencontré première bon, fois ? Oui, bon, je l'ai rencontré avec Césaire. Voilà. Césaire, chaque dimanche après-midi, Césaire habitait au 10 rue de l'Odéon. Oui. 10 rue de l'Odéon, et il tenait une sorte de salon littéraire fréquenté par Jean Cassou, Michel Léris, et Léopold Sédar Senghor et d'autres. Leub, Ruffedo Lam, n'est-ce pas ? Le peintre, oui. Le peintre. Et tout ce monde fréquentait la maison de Césaire. Suzanne Césaire était une femme cultivée qui écrivait aussi, une très belle martiniquaise qui était très avenante, qui était une femme de maison extraordinaire. On nous recevait. Et j'ai connu Senghor. Mais j'avais des réserves parce que Senghor avait un côté idéaliste, un côté dans sa théorie de la négritude. Je partageais dans l'ensemble les thèses de Césaire et de Senghor, mais Senghor avait tendance à changer la négritude en une essence, comme si les Noirs étaient noirs de toute éternité. Oui, oui, alors que ce sont les Blancs qui ont dit que... C'est un produit de l'histoire, en fait. Un produit de l'histoire. Ouais. Les Blancs ont appris aux Noirs un jour qu'ils étaient des Nègres, qu'ils étaient des Noirs. Qui n'étaient pas des Africains appartenant à diverses tribus, à diverses ethnies, n'est-ce pas ? À diverses ethnies, mais qu'ils étaient des Noirs. Et ils ont intériorisé l'idée qu'ils étaient des Noirs. Parce qu'avant la colonisation, aucun Africain ne pensait de lui-même qu'il était un Noir. C'est pas en fonction de la couleur de leur peau qu'ils situaient leur identité, en fonction de leurs croyances religieuses plutôt, de vaudoun, etc. Oui. Donc c'est d'une grande diversité. Mais on a mis tout le monde dans le même sac, c'était plus facile pour se reconnaître dans cette diversité de langues, de croyances religieuses. Disons, ils sont tous des Noirs, oui. Et les autres peaux rouges sont tous des Indiens, n'est-ce pas ? Ce sont des constructions idéologiques, des constructions sémantiques extrêmement dangereuses, n'est-ce pas, qui ont fait des ravages dans notre histoire, parce que le fait d'intérioriser l'idée qu'on était inférieur à une prétendue autre race, n'est-ce pas, c'était un phénomène douloureux à supporter. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, le sentiment d'infériorité, etc., n'est-ce pas, qui devient intériorisé. L'idée qu'on a une condition qui est une condition noire, qui est une condition raciale, qui est une condition nègre, alors que ça ne correspond à aucune réalité, n'est-ce pas, on est en pleine métaphysique, en pleine mythologie, n'est-ce pas. Est-ce que je peux vous citer brièvement toujours, parce que... Oui. Du reste, dans un volume que j'aime bien, enfin j'aime beaucoup, l'expression me plaît aussi beaucoup, le métier à métisser. Hein, oui. Je trouve ça très... Oui. Et vous dites, parce que vous parliez de vos pérégrinations avant d'arriver à Cuba, et là vous dites... À chacun de mes départs sans retour, la joie de vivre m'a fait un courant marin capable de guider de nuit mes passions d'homme. Oui, ça c'est, oui. C'est exactement oui. ce que c'est, vous venez c'est de... ce que j'ai vécu. Voilà, parce que les gens m'ont dit, mais comment vous devez avoir beaucoup souffert de supporter tant d'années d'exil. Je dis, moi, la notion d'exil ne m'a jamais impressionné. Je n'ai jamais eu le sentiment d'exil. Parce que j'ai compris très tôt, très précocement, que dans l'ensemble de l'univers, la Terre elle-même était une île, n'est-ce pas ? J'étais insulaire, pas d'une petite île de la Caraïbe, mais de la grande Terre, de la grande Terre patrie, n'est-ce pas ? Voilà. Donc on ne peut pas être en exil à Paris, ni à Les Îles-Corbières, ni à Santiago de Chili, ni à La Havane, ni à Singapour ou à Dakar, n'est-ce pas ? Donc j'ai éliminé l'idée d'exil, le sentiment d'exil, et parce que je transportais avec moi, je m'ajoutais les cultures, je me les ajoutais. Le fait d'apprendre l'espagnol m'a ouvert un monde. Les approprier. Mais oui, je me suis ajouté le monde de Pablo Neruda, le monde de Jorge Amado en portugais, le monde italien, n'est-ce pas, de Cesare Pavese, etc., etc. Même les Chinois, j'essaie d'assimiler aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut s'ajouter des cultures. On ne fait que s'enrichir. C'est pour ça que toutes les théories d'aujourd'hui, les communautarismes misérables qui pullulent aujourd'hui et qui font tant de dégâts, moi n'ont aucune importance. Mon expérience personnelle montre qu'on va, qu'on s'achemine, qu'on le veuille ou non, vers l'unification des humanités. Qu'il y a des humanités, qu'il y a des zones de civilisation, elles ne sont pas nombreuses, n'est-ce pas ? Il y a la civilisation occidentale, qui englobe le monde occidental tel qu'on le connaît, y compris les pays anglo-saxons, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Et puis on a le monde africain, on a le monde arabe, on a le monde slavophile, le monde orthodoxe, les Indiens, n'est-ce pas, les Chinois, les Japonais, les Scandinaves, les pays polynésiens, c'est tout, vous voyez. Et tout ça, ces gens-là ont adopté une même civilisation sur le plan technologique. Tout le monde roule en auto, en avion, tout ça a unifié les consciences. Mais il y a un noyau dur qui ne veut pas changer, qui s'accroche à des soi-disant identités, n'est-ce pas ? Alors qu'on a une identité multiple, n'est-ce pas ? On croit qu'il y a une identité française, une identité italienne. Non, il y a peut-être une identité européenne, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont communes aux pays d'Europe, n'est-ce pas ? Mais la révolution numérique, l'Internet, sont en train d'unifier tout cela. Vous comprenez ? Le malheur, c'est que la mondialisation se fait à partir d'une expérience technologique et numérique et financière. Et marchande. Et marchande, n'est-ce pas ? Et que cette civilisation marchande a besoin d'une culture qui lui est propre. Parce que le capitalisme a eu la chance d'avoir une culture bourgeoise, avec les Lumières, avec Shakespeare, avec Goethe, avec les grands Russes, etc., n'est-ce pas ? Et ce que n'a pas encore la mondialisation, vous comprenez ? Tout à fait. Voilà, la mondialité, hein, et une culture pour la mondialité, une culture pour sauver le monde peut-être, hein, n'hésitons pas à le dire, la culture d'un homme d'action, la poésie d'un homme d'action, René de Pestre. Oui, c'est... Comment vous dire ça ? Nous l'avons rencontré, on peut le rencontrer à travers ses livres, bien évidemment, et c'est même ce qui est hautement recommandé, mais nous avons rencontré l'homme, René de Pestre, je le redis, qui nous a reçus avec une générosité qui nous a tous beaucoup touchés, je dirais même beaucoup émus quand nous sommes sortis de ces quasi 2 heures d'entretien. Il y avait quelque chose comme ça, une forme d'émotion. Et puis, c'est un homme âgé, la mémoire est intacte, il fabule un peu de temps en temps. Hein. C'est un écrivain, nous l'oublions pas. C'est un écrivain, hein, l'imaginaire, voilà. et la poétisation du réel, il connaît. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est un homme âgé, c'est un grand vivant, René de Pestre. Encore voilà. Une fois, merci. J'ai cette image qui me reste, dont je vous fais simplement part. Lorsque nous sommes arrivés donc à Villa Adriana, je crois que cette image ne me quittera pas, où il y a une allée pour aller vers la maison. Et René de Pestre, avec sa canne, mais en même temps très, très digne et très vert, nous attendait. Sur le pad. Sur le patio de sa maison. Ça avait quelque chose un peu de colonial, le maître qui nous reçoit. C'est une image assez étonnante. Et c'était assez impressionnant. Et puis ce bureau, alors qu'on a vu, il y avait encore beaucoup de livres dans ce bureau, mais pour vous dire la générosité du personnage, il a constitué une collection de livres au cours de ses pérégrinations dans toutes les langues, vous avez entendu, hein, toutes les langues qu'il a utilisées, qu'il a apprises, qu'il a découvertes, donc une bibliothèque énorme avec des originaux, des choses absolument introuvables, qu'il a léguées à la commune qu'il a accueillie, à la bibliothèque qu'il a, de la commune qu'il a accueillie. Oui. Un grand homme, une grande œuvre que nous vous encourageons fortement à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait.